Le podcast We Are Music, Zik and Block, saison 1 et épisode 2. Pour décrypter l'actualité musicale sur internet, notre Wonder Woman de la musique en ligne, elle est avec nous en direct de Montréal via Skype, Madame Caroline Fontaine. Eh bien bonjour Claude. Notre Éric Zemmour local, il est blogueur et consultant, il écrit pour Viva Musica et Zik and Blog, c'est monsieur Frédéric Neff. Salut Claude, salut Caroline. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Gaillard, alias Bidibule, et j'accompagnerai mes camarades ce soir. Dans quelques instants, Virginie Berger nous rejoindra pour le débat du jour. Direct to fan, de nouvelles façons de faire de l'argent avec la musique ou dernier yaka à la mode. C'est la question que nous allons essayer de nous poser. Mais tout de suite, c'est les actus du monde de la musique sur Internet. On va parler entre autres des offres Spotify, d'Emspot qui lance sa version bêta. On va donc parler clouding. Et on va commencer par un sujet choisi par Frédéric, Live at Home. Live at Home, c'est le nom d'une nouvelle émission musicale diffusée sur Internet tous les 15 jours. Je crois que ça se passe sur Dailymotion et Watt TV. Alors on est à mi-chemin entre la captation live et la télé-réalité puisqu'on enferme un artiste et ses musiciens dans une maison et on communique avec eux par l'intermédiaire d'écran plasma, le tout étant bien entendu filmé par un système multicaméra comme dans tout Big Brother qui se respecte. Bref, vous l'avez compris, c'est un taratata sauce Secret Story. Fred, est-ce que ça marche ce concept? Est-ce que ça trouve preneur du côté des internautes? Alors ça c'est la grande question. Moi j'ai eu la chance de visiter le studio qui est dans un endroit qui est tenu secret, donc je vous dirais pas que c'est à côté de Créteil. Et c'est beaucoup de moyens, énormément de qualité pour juste être regardé sur internet, donc c'est un peu décevant. On est à 500 000 vues pour les deux premières émissions et quand on va sur Dailymotion, on sait pas si ça marche parce qu'il y a une vidéo qui fait 250 000 vues et les autres qui dépassent pas les 2000. Donc, est-ce que c'est vraiment adapté pour le web? Des sessions comme ça, de 8 minutes, je sais pas. En tout cas, c'est un produit d'excellente qualité. Et ça, ça fait toujours plaisir. Caroline, qu'est-ce que tu en as pensé de Live at Home? Bah écoute, moi je vois ça un petit peu comme un podcast vidéo, ou alors, bon, on peut appeler ça aussi un vodcast. Bon, ils ont l'avantage de ne pas avoir de limites et de faire un petit peu ce qu'ils veulent, contrairement à si c'était diffusé à la télé. Je sais pas, moi je peux te dire genre boire de l'alcool ou bon, faire les cons, faire des trucs qu'ils ne pourraient pas faire à la télé. On a vu Mika qui faisait des pâtes, par exemple. Le fait qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pourraient pas se permettre à la télé. Moi, c'est ce côté-là que je trouve intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont en profiter? Ça, j'en sais rien. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut partager puis diffuser les vidéos. Et puis, si on devient fan de leur page Facebook, ben, on a le droit à des exclus. Alors bon, j'ai pas testé, je sais pas c'est ce que c'est exactement, mais bon, ça a l'air pas mal comme concept. Je te coupe parce que c'est des produits qui sont éphémères. En fait, au bout de 15 jours, l'émission suivante remplace les vidéos de l'émission précédente. Donc, si tu veux revoir les vidéos du premier, c'était Mika. Bah, tu peux pas parce que là, c'est Jamie Colum. Et après, dans une semaine et demie, ça sera encore un autre artiste. Donc il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de longue traîne. Non, il n'y a pas. Bah, c'est dommage parce que l'archivage de choses comme ça, c'est importante. Ah, et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité de s'abonner via iTunes. Donc c'est un gros moins, ça. Comme on peut s'abonner à plein de podcasts, bah, pourquoi ils sont pas là-dessus? Bah, justement, peut-être parce qu'il n'y a pas d'archives. Est-ce que c'est des questions de droit? Je voudrais bien savoir pourquoi ils font pas ça. Mais bon, en bref, C'était la question qu'on leur avait posée quand on avait été invité à visiter le studio avec quelques blogueurs. Et donc l'idée, c'est que eux, ils sont producteurs du contenu, mais après, c'est libre à l'ayant droit, donc au producteur du contenu initial, donc au label, d'en faire ce qu'il veut du produit. Donc eux, ils essayent de monétiser au maximum avec une visibilité sur internet pendant 15 jours, avec possibilité à terme, même si ça n'a pas été dit clairement, de vendre aux télé, puisque les formats c'est 22 minutes, 52 minutes, on est sur des formats télé, sur certains montages, et de monétiser comme on monétise un programme, en ne laissant pas disponible sur internet, mais en le donnant à disposition au label, pour qu'il puisse être exploité soit en promo, soit après en exploitation DVD, VOD, où ils prendront après une part de com sur la vente car ils sont producteurs. Ok, donc je comprends un peu plus le concept là et pourquoi il n'y a pas d'archives. En fait, c'est fourni au label ou à l'artiste, quoi. Voilà. Ok, bon, bah, sinon, sinon, moi, cette nouvelle émission web musicale, bah, c'est plutôt sympa là, de recevoir des artistes dans une maison où il y a plein d'instruments pour faire des performances live, des expériences musicales, comme si les artistes étaient dans un studio, mais là, ils sont dans une maison. Bah, c'est sympa, quoi, c'est nouveau. C'est plutôt cool, mais comme en parlait Claude au début, je me demande si on peut pas considérer ça un peu comme de la vidéo-réalité, comme de la télé-réalité, mais bon, j'appelle ça la vidéo-télé-réalité, bon, je sais pas. En tout cas, bon, toi, qu'est-ce que t'en penses, Claude ? Ouais, de mon côté, je vais être franc, je me suis un peu ennuyé hein, en regardant Live Atom. C'est vrai que c'est un concept qui compile des choses que je trouve tendance, c'est-à-dire le retour à la musique live, et puis ça m'a fait beaucoup penser à une émission qui est diffusée sur Canal de, je sais pas d'ailleurs si elle est encore diffusée, mais ça s'appelait En aparté, où on enfermait une célébrité dans un appart, hein, une sorte de studio, et on l'interrogeait par l'intermédiaire d'une voix off. Pascal bon, Clark. Ouais, ouais. Donc bon, ça se laisse quand même assez regarder Live Atom, mais c'est très superficiel. Il y a une sorte de promesse qui est pas tenue, c'est la promesse de l'intimité. C'est une coquille vide. J'ai l'impression qu'il s'y passe pas grand chose, et en comparaison, je trouve que sur Arte, il se fait des choses nettement moins bling bling et beaucoup plus riches. Mais bon, en même temps, c'est sur Arte. C'est peut-être le problème. Là, pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, la maison, c'est le concept, c'est que la maison, elle parle aux artistes, elle parle par écran plasma interposé. Donc c'est un côté qui coulole, je te lâche des SMS. Oui, mais c'est la voix de Secret Story, hein. C'est version vidéo, quoi, plasma. Voilà, et il n'y a pas ce côté humain, et ce serait peut-être plus pertinent, plus intéressant qu'il y ait une personne ou un artiste ou un journaliste ou quelqu'un qui est un peu calé, qui est un peu titilleur, un Bernard Lenoir, un Nagui, un je sais pas quoi, qui vient. Comment qui il vient, s'appelait là le. Stimuler et apporter un peu plus d'intimité, parce que c'est un peu froid le fait que. Un Laurent Boyer, tu veux dire. Ou pas, enfin, ouais. Quelqu'un qui, au moins, le métier, c'est de faire parler les gens. Un flic. J'ai une question pour toi, Fred. Comment ça se fait que tu as été invité à ce lancement-là, toi ? Parce que je couche. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est qui fait la différence avec nous, Caroline. Hein. Que je salue. Et donc voilà. C'est et donc il y avait beaucoup de blogueurs. C'est quand même bien d'avoir ouvert ça. On était à Minibus, on avait des trucs à se mettre sur les yeux parce qu'on ne doit pas te dire où c'est. Et on était une petite dizaine. Il y avait même Laurent Brock-Trotter. Non, il y avait des gens bien. On était en bonne compagnie. Mais alors c'est quand même une équipe qui connaît bien puis qui aime le réseau du blog, et puis qui sait comment faire parler de son truc alors. Ouais, ça pour ça, c'est clairement quelque chose qui est destiné à Internet de toute façon, donc. Ouais, alors, exact. Les blogueurs ont tout hurlé quand ils ont vu que les vidéos étaient remplacées, c'était pas à terme, donc ça c'était le truc qui a pas du tout plu. Par contre, si vous avez l'occasion de voir la maison et le studio, c'est ça fait rêver. Enfin, c'est vraiment un très très bel espace qui est très très bien rendu. Et moi j'ai été bluffé par la qualité. En studio, ils nous ont fait écouter le mixage. Enfin, c'est trop bon pour le web. C'est comme si tu vas faire tes courses avec une Ferrari, quoi. Une fois que t'as mis deux packs de lait dans le coffre, mais c'est vrai cool, que ça supporterait une diffusion sur la TNT. Hein. Bah ouais. En plus, ils font un format 22 minutes, mais on fait pas un truc pour la télé. Enfin, 22 minutes, c'est un format télé. C'est pas grave de faire un truc pour la télé qui est aussi pour le web et conçu pour le web. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à créer un projet qui soit à la fois web et TV, comme essaye de faire pas très bien Taratata, comme essaye de faire plus ou moins l'émission de d'Arte dont j'oublie le nom. Mais on sait pas pourquoi ils veulent uniquement être sur le web. C'est des fous, c'est des fous. C'est un ancien Daily qui est derrière ça, et que web c'est l'avenir, les jeunes ne regardent plus la télé, et que ils sont en train d'essayer de monter un business pour une meilleure monétisation des vidéos avec une publicité mieux implantée. Bien. Parfait, on passe à la suite. Oui. Spotify qui a rajouté une marche dans son escalier vers le premium. Le célèbre service de streaming a lancé il y a quelques jours deux nouvelles offres et on comprend bien que l'objectif est de réussir le virage du payant. Fred, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ces nouvelles offres ? Ah, bah, ça va être compliqué parce que ça me paraissait très simple. Puis en fait, en voyant sur internet, j'ai vu que c'était très compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Plein de gens qui n'ont pas compris. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris et que c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, il y a des interprétations très différentes selon les sites. Il y a trois entrées possibles. Il y a le Open, l'Unlimited et le Premium. Wow. Donc l'Open, c'est donc on supprime les invitations qu'il y avait avant, qui faisaient un peu la classe de Spotify, mais non, c'est ouvert à tous. Donc c'est du streaming gratos, comme on a l'habitude sur Spotify avec de la pub, avec une restriction de 20 heures par... on ne sait pas par quoi, par mois ou par jour. C'est par mois, bien sûr, parce que par jour, ça ferait pas très limité, en fait. On est sur un site de streaming à la 10 heures, à plus ou moins limité. Après, on a le service Open ou Limited où c'est sans limite. C'est sans limite. Donc là, c'est en limité totale. On paye 5 euros par mois pour avoir accès à tout. On appuie la publicité et qui est un seul portable sur Spotify. Et c'est limité au PC quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est sur un PC. C'est uniquement sur l'ordi. Et après, on a l'offre Premium où là, on a la portabilité. On est en illimité et on peut importer ses propres fichiers musicaux. Donc faire un pot commun. iTunes, Spotify. Donc le fait d'avoir vraiment fait deux offres très proches en bas de gamme, donc une Dacia et une Dacia Sport, pour Unlimited et l'Open, c'est vraiment dans l'objectif de mettre en avant l'offre premium qui est seulement 10 euros par mois, on peut se le payer, et là on a vraiment tout. Après, il y a la deuxième stratégie Spotify, c'est j'arrive en tant que j'intègre le combat des players et le fait que tu puisses mettre ta musique dessus, c'est avoir un seul réceptacle pour ta musique pour ton téléphone et ton ordinateur et puis utiliser iTunes ou un autre, mais utiliser que Spotify, donc du coup acheter via We7 quand tu télécharges ta musique et avoir un seul réceptacle pour ta musique. Et ce côté tout en un, à mon avis, va peut-être un pari assez ambitieux pour la start-up suédoise. Ouais, c'est pas gagné quand même. Hein. Donc la grande question, c'est de savoir s'ils n'ont pas rendu justement l'offre un peu trop touffue et un peu trop complexe pour les consommateurs. Caroline, en Europe, Spotify est un service très populaire. Est-ce que le service est disponible chez toi au Canada ? Eh bien non, Spotify n'est pas encore ouvert en Amérique, donc c'est-à-dire pas aux États-Unis, pas chez nous au Canada, parce qu'ils n'ont pas encore les droits de diffusion. Et donc, si je vais sur le site, j'ai un joli petit message qui me dit que ce n'est pas dispo chez moi et qu'ils en sont désolés. au Canada, on n'est pas vraiment gâtés parce que y en a plein qui sont fermés. Y a par exemple le célèbre Pandora aux États-Unis, il est même pas ouvert chez nous au Canada. D'accord. On n'a pas le droit non plus à AOL Music, Yahoo Music, Napster, tout ça, on s'est pas ouvert chez nous. Bon, bref, on doit en fait se rabattre sur Deezer, donc le petit français. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi ce qui est pas mal répandu ici, c'est Last FM, mais c'est plus une web radio personnalisée, mm-hmm. Donc c'est un peu différent et c'est devenu payant surtout. Sinon il y a e-music si on aime découvrir la musique indé et si on a de quoi payer un abonnement évidemment. C'est pas streaming. Mais c'est ça, c'est du téléchargement par contre. Ne sois pas contrariant, Frédéric. Si on c'est du dit, téléchargement, ouais. T'as raison. Il est pénible. Il y a aussi MusicMe qui est du téléchargement. Tu n'as pas accès à MusicMe au Canada ? C'est vraiment notre Eric Zemmour à nous en fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Tu sais que c'est pas ouvert au Canada, toi ? Je sais même pas, moi je l'utilise pas. Faut que j'aille au Canada pour essayer. On va tous venir chez toi essayer. C'est parce qu'en fait, moi je n'utilise pas de service payant, donc je sais pas. Oh, c'est mal ça. C'est très mal. En tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que de tous les services que j'ai cités, là, il y en a aucun québécois. On n'a rien, on n'a absolument rien à vous proposer. Et puis, c'est quelque chose qui me désole un peu. Alors en fait avec des collègues québécois, on a monté une anti-conférence. En fait, ça s'appelle Musique Numérique. C'est musiqueqcnumériqueqc.ca. Comme il y en a plusieurs qui se questionnent quant à l'existence d'un web musical spécifiquement québécois ou même francophone. Ok, ça se passe le 16 juin. Dis-moi si je me trompe, Caroline. Donc voilà, pour ceux qui sont du bon côté de l'Atlantique, notez cette anti-conférence dans vos agendas. C'est le moment de passer au sujet suivant si vous n'avez rien à rajouter. Vous vous rêviez d'accéder à votre bibliothèque iTunes et à vos MP3 depuis n'importe quel ordinateur ou mobile, eh bien, contre toute attente, ce n'est pas Apple qui l'a fait, mais M-Spot. La version bêta du service est lancée et on nous annonce une version publique pour le mois de juin. Caroline, est-ce que le clouding, c'est-à-dire mettre ses fichiers dans les nuages d'Internet, est-ce que c'est un service qui t'intéresse et est-ce que tu es prête à payer pour un tel service ? Bah écoute, si je comprends bien, c'est un service de stockage et de synchronisation de musique, c'est bien ça ? Ouais, de stockage distant et d'écoute à distance également. Mais ça se synchronise avec les autres appareils ? Je comprends pas trop. Effectivement, il y a une synchronisation possible avec Windows Media Player, iTunes et également possible avec un répertoire MP3 défini sur le PC. Bah écoute, personnellement, je suis pas sûre d'en avoir besoin, mais c'est possible que j'essaye. Que j'essaye en utilisant la version gratuite. Quand c'est gratuit, moi je teste tout, donc je m'arrangerai pour pas dépasser les 2 gigs, écoute. Mais ça me fait penser à un système un peu similaire que j'utilise pour du stockage de données. Oui, oui. Ça s'appelle Dropbox, je sais pas si tu connais. Ouais, connaissez d'ailleurs. Ces systèmes de sauvegarde sur serveurs distants sont relativement répandus déjà. Hein. Et même les fournisseurs d'accès qui s'y mettent. C'est comme un disque dur sur le web où tu peux partager avec tes différentes machines, ça se synchronise et puis tu peux aussi créer des répertoires et partager avec d'autres utilisateurs du même service, des utilisateurs que tu auras autorisés. Alors pour moi, ça, je trouve que c'est absolument génial comme outil de travail. Il y a même une application iPhone, etc. Mais ce n'est pas lié uniquement à la musique. Moi, je peux stocker des fichiers, d'autres. Et puis ce n'est pas lié non plus à une playlist, là, comme j'ai l'impression de comprendre, qui est le MSpot. Mais il y a la possibilité de faire des playlists, en fait. Hein, mais c'est pas, le service ne tourne pas autour de ça, je ne pense pas. C'est justement l'expérience utilisateur qui va faire la différence, hein, par rapport à tous ces services, soit de clouding comme on les connaît déjà chez les fournisseurs d'accès comme Mes Données de chez Orange, ou alors les services de stockage sur serveurs distants. C'est vraiment ce côté expérience utilisateur, c'est-à-dire la transparence de la synchronisation peut-être entre iTunes et M-Spot qui fera la différence, hein, mais c'est vrai que bon. Pourquoi le limiter à la musique ? Je sais pas, je comprends pas trop. Si c'est lié vraiment je sais pas moi, à tes achats iTunes, enfin, faut vraiment voir comment ça fonctionne pour pouvoir se faire une idée, je pense. Hein. Mm-hmm. Frédéric, le clouding, c'est très tendance, tout le monde en parle. Est-ce que tu crois vraiment que c'est l'avenir au niveau de la musique ? Au niveau du web, oui. Alors, au niveau de la musique, on va voir. Parce que ça s'annonce compliqué. Il n'est pas emballé, là. Pour que l'expérience utilisateur, pour que ça marche, faut que l'expérience utilisateur soit bonne. Pour que l'expérience utilisateur soit bonne, faudrait un système où tout le monde a son nuage et qu'on puisse communiquer entre nuages. Et ça, du côté des ayants droit, du côté des contenus, ça n'a pas passé. Mais je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que le service pose vraiment question parce que M-Spot ne verse pas un centime aux ayants droit. Alors, est-ce qu'il faut taxer ce type de service sous la forme d'une licence ou d'une taxe pour la copie privée ? Je vous propose d'écouter ce qu'en disait le SNEP au dernier MIDEM et on revient réagir juste après. Je ne vais pas me livrer à une analyse détaillée juridique, mais il est évident que ce type de service se considère juridiquement comme le copiste puisqu'ils ont la garde des matériels permettant le stockage, qui commence à quitter des droits en ce moment auprès des producteurs, des auteurs, de n'importe qui. Hein. C'est pas de la copie privée. C'est une prestation de service pour le compte des consommateurs. Donc Caroline, qu'est-ce que tu penses de cette intervention du SNEP ? Bah écoute, le sujet de la copie privée, des biens immatériels, c'est plutôt un sujet délicat et compliqué. Je crois que je vais vous faire réagir là-dessus parce que comme elle je suis prudente. Pas une artiste... La québécoise est prudente. Non, on va lâcher les émours. Ça. Non, mais en tant que consommatrice, personnellement, je vois pas pourquoi je devrais payer une taxe aux artistes sur ce type de service, tout comme je ne comprends pas pourquoi il y a une taxe sur les CD et les DVD vierges. Honnêtement, en tant qu'ayant droit, moi aussi, je la trouve très injuste, hein, cette taxe sur la copie privée, ne serait-ce que sur son système de répartition. Elle est bien entendu aussi injuste pour les consommateurs. Alors par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut laisser des entrepreneurs développer un business model sur de l'accès au contenu sans jamais participer au financement de la création de ces mêmes contenus ? Alors là, c'est quand même une vraie question à se poser. C'est deux choses totalement différentes. La taxe sur la copie privée, c'est faire payer à la société une exception au droit d'auteur. Donc le fait de pouvoir avoir une utilisation, une copie privée pour une utilisation dans un cadre familial. Donc paye tous pour qu'on puisse tous bénéficier de cette exception, qu'on copie ou qu'on copie pas, voilà. Et comme c'est sur les supports vierges, bah, si on achète des supports vierges, c'est qu'on est amené à copier. Et si on copie des trucs qui sont pas liés au droit d'auteur, bah, ça va dans le pot commun, quoi. Après, le fait qu'il y ait des entreprises qui fassent un business sur l'exploitation du contenu, là, c'est un autre débat qui va au-delà de la notion de taxe sur copie privée ou mais pas. Justement, là, on est entre les deux, Frédéric, là, pour le coup. Bah, il n'y a pas la copie, parce que c'est ton contenu que tu mets, que tu délocalises. Donc, oui, mais alors, je peux te reprendre simplement un exemple. Quand tu vas prendre un MP3 que tu as acheté et que tu vas graver ça sur un CD vierge, tu délocalises également ton contenu que tu as acheté. Et sur un support. Là, et, c'est tu, et là, c'est tu... quoi, à part un autre support, mais distant? Bah, très honnêtement, techniquement parlant, qui est distant, mais qui est ton support initial. Et alors, la différence avec le CD? Bah, il y en a pas. S'il n'y a que moi qui suis utilisateur de ce contenu, parce qu'il n'y a que mon log, il n'y a que moi en tant qu'individu qui peut accéder à mon disque, comme je suis le seul à accéder à ma boxnet. Bon, bah, ça pose pas de soucis. Après, si c'est dans un cas d'utilisation familiale, et s'il y a d'autres personnes dans mon entourage qui peuvent, que je connaisse ou pas, accéder à mon nuage, là, ça pose de vrais problèmes. Alors, pourquoi taxer les baladeurs MP3? On taxe parce que, on taxe les baladeurs MP3. On taxe parce qu'on taxe, en fait. La plupart des fichiers qui sont téléchargés dessus, c'est des fichiers qui viennent du piratage. Donc... A priori, un service comme M-Spot ne vérifiera pas la provenance des fichiers, hein. Oui, et puis ils vont botter en touche en disant ben non, on est hébergeur, attends, on fait que stocker. On fait que stocker, on n'est pas responsable. Et ils ont la loi avec eux pour ça, et ça va être une vraie bataille pour qu'on ait une offre qui soit juste à la fois du point de vue de l'utilisateur, qui n'a pas à payer une énième taxe ou à se voir être financièrement pénalisé pour avoir un service de sauvegarde ou un service qui soit plus adapté à ses besoins. Et à la fois du côté du contenu pour pas que ça soit un méga upload free access. Et là, il y a la technologie, elle tend vers quelque chose qui est plutôt de l'ordre du méga upload et le cadre législatif va plutôt vers quelque chose qui a rien à voir. Donc, on va faire entrer un triangle dans un rond, ça va être compliqué. Oui, c'est très compliqué, effectivement, ces questions-là. Et c'est vrai que je trouve que quand même le Snap écarte un peu rapidement cette notion de taxe sur la copie privée. Oui, enfin, c'est une conférence de presse. Voilà, c'est une conférence de presse. Il répond très rapidement à une question qui lui a été posée par Philippe Astor. Virginie Berger, bonjour et merci de nous rejoindre. On te considère à tort ou à raison, c'est toi qui nous le diras, comme la grande prêtresse du Directoufan en France. Tu as travaillé pour Canal+, pour Énergie, pour MySpace et aujourd'hui tu es consultante en marketing. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est le Directoufan? Alors tout d'abord je voudrais juste revenir sur le mot prêtresse parce que je ne considère rien prêcher, hein, je précise tout de suite. Qui vous c'est un culte, hein, prêtresse, c'est qui vous un culte. Ah oui, alors non, je ne voue aucun culte au Directoufan, j'essaie simplement d'aider les artistes et de réfléchir à tous les moyens possibles pour aider les artistes. Et il s'avère que le Directoufan est quand même un concept marketing qui existe depuis que la musique existe. C'est tout simplement une manière pour les artistes de se rapprocher, d'aller toucher leurs fans et ensuite de monétiser. C'est un concept, c'est même un outil qui a été utilisé par énormément de labels, notamment punk et hip-hop, sur la scène américaine dans les années 70, qui leur a vraiment permis d'exploser et de se passer en fait de tout ce qui était distribution. C'est absolument pas un concept nouveau, c'est back to the roots, hein. Ça existait depuis très très très longtemps. Maintenant, le seul avantage en fait d'Internet et des nouvelles technos, c'est permettre à ces artistes d'élargir leur utilisation du direct to fan. Maintenant, je voyais en fait dans le sujet tel que me l'a envoyé Fred, il y avait marqué « ou nouveau Yaka ». C'est vrai que le mot direct to fan devient une sorte de mot buzz depuis que les labels ont décidé d'utiliser le direct to fan. Donc tu parlais d'à tort ou à raison, donc je te dirais aussi à tort ou à raison. Ils ont notamment passé pas mal de partenariats, je pense à Cisco par exemple, pour Universal, pour essayer d'utiliser à grands moyens et avec des fortes ambitions de monétisation, le direct to fan. Donc bon, je pense qu'il faut leur laisser un peu de crédit parce que s'ils utilisent ce moyen-là pour aller toucher les fans, plutôt que d'attaquer les utilisateurs, les personnes qui écoutent de la musique, c'est pas plus mal. D'un autre côté, est-ce que c'est la bonne utilisation du direct to fan? Je doute un peu. Pour moi, le direct to fan, encore une fois, c'est uniquement back to the roots. Hein. C'est un concept pour les artistes, par les artistes, pour utiliser leur public et pour faire en sorte que leur public soit un moyen, en fait, de diffuser leur musique. Voilà. Bon, des questions, Frédéric, Caroline? Moi, j'en ai une. Déjà, si on parle ce terme, d'où il vient, c'est pas en français, donc est-ce qu'on peut dire que ça vient des États-Unis? Oui. Alors là, je ne connais pas la jeunesse du direct to fan, pour tout te dire. Comment ça? Okay. On nous aurait menti. Je sais, c'est une énorme erreur, c'est un scoop. Je vais donc dès demain aller creuser la définition exacte de direct to fan. Effectivement, pour moi, ça vient des États-Unis, mais j'ai noté, parce que j'oublie tout le temps le nom de cette personne, c'est le patron d'un label punk américain qui vraiment a utilisé le direct to fan et l'a développé. Donc c'était en fait le label Discord, Ian McKay, qui vraiment lui aux États-Unis, donc c'est un label punk, mais donc c'est l'ancien leader de Fugazi, si vous voyez un petit peu ce que c'est. Pas du tout. Bah c'est un groupe punk. Mais c'est pas grave. On n'écoute pas la musique de jeunes. Voilà. Oui, des jeunes, oui. Qui vraiment en fait a vraiment décidé d'appliquer à fond le direct to fan pour la scène punk aux États-Unis pour permettre vraiment de s'appuyer sur tous les relais, donc sur tous ses fans pour diffuser son message. Et notamment, par exemple, il utilisait beaucoup la promo terrain, il faisait beaucoup de webzines, qu'il envoyait à ses fans ensuite allaient le diffuser, idem pour les presskits. Et vraiment, on a commencé à vraiment structurer le direct to fan à partir de lui. Et après, la scène hip-hop aux États-Unis s'en a emparée également. Donc voilà. Okay. La genèse un petit peu, en tout cas, telle que moi, je connais la genèse un peu plus marketing du direct to fan. Merci bien. Alors, j'ai une question, le direct to fan, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est le retour aux sources. Et pourtant, quand on parle de direct to fan sur internet, on est toujours sur des artistes qui ont grosse base fan déjà, qui ont déjà un gros public. Donc, le direct to fan version 2.0, c'est un truc pour les gens connus ou c'est accessible à tout le monde? Toi, t'as pas lu mon dernier article, c'est honteux. Si, j'ai lu ton dernier article. On l'a lu, on a même discuté. En fait, non, il y a effectivement de gros artistes. Pourquoi? Parce que c'est toujours important de mettre en avant l'exemple d'artistes un peu plus costauds comme une sorte de, non pas de modèle, mais d'exemple. Je ne souhaite absolument pas montrer de modèle parce que chaque artiste est tellement différent, chaque musique est tellement différente et chaque public est tellement différent qu'on ne peut pas suivre en fait spécifiquement ce que fait un artiste. C'est un peu comme les femmes, quoi. Mais de là à le suivre texto, ça peut pas marcher parce que chaque public est différent. Maintenant, la base du direct to fan, en fait, tel que je suis en train de travailler encore un peu plus dessus, et quand tu fais en fait la base du direct to fan, c'est vraiment connaître ton public, qui il est, à qui tu t'adresses, où il est. Voilà. Puis à partir de là, tu construis une stratégie pour aller le toucher. Donc ça peut être plein de petits artistes. Hein. Et il y en a vraiment un paquet. Il y a un paquet d'artistes aux États-Unis qui sont complètement inconnus, si je vous les cite, mais qui les utilisent vraiment beaucoup. Il y a pas mal d'artistes en France, je suis en train de faire le même travail sur la France, qui l'utilisent pas mal. Donc ça s'applique vraiment à tout le monde. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir ou être très bien entouré ou l'avoir très bien compris. Mais il faut vraiment, vraiment d'abord bien connaître ses fans. Quelle est ta musique? Comment tu définis ta musique? À qui tu t'adresses? Qui vient te voir? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors justement, en parlant d'artistes, on a en France un artiste autoproduit qui est en plein dans le débat, parce que c'est François Ville, qui propose de jouer pour 5€ une chanson en tête-à-tête via MSN. Bah, si on prend la définition du direct to fan, qui essaie de monétiser en fait au maximum la connaissance de ton public, oui. Est-ce que moi par exemple, c'est quelque chose qui m'interpelle qu'un artiste chante pour 5€ en tête à tête sur MSN? Non, je vois pas la valeur ajoutée pour moi, mais c'est moi perso. Mais pour le coup, il y a quand même des exemples qui sont très très proches, hein, sur ton. Mais c'est pas parce que je les cite que je suis d'accord avec. Donc c'est une démonstration par l'exemple inversé. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que j'écris. Attention. Tu fais bien de préciser. Dans mes exemples, en tout cas, je les cite parce qu'ils sont intéressants. D'accord. Il y a vraiment des gens qui vont très très loin, et notamment, je parlais d'un batteur qui a été super loin dans le direct Too Fab. Mais oui, mais pourquoi trop? S'il décide de le faire seul, hein, si c'est lui en fait qui décide d'aller jusqu'au bout de son idée, si c'est pas poussé par un manager, un label. C'est lui qui décide, c'est très bien. Il est vraiment libre d'aller jusqu'où il veut. Est-ce que moi j'accepte ça? Je suis pas super fan du truc, mais c'est un exemple. Voilà, John Freeze. Voilà, tout à John fait. Freeze. Ouais. Faut quand même dire une chose, c'est que cette problématique là autour du direct to fan, ça échappe pas à la loi de l'offre et la demande. Donc pour qu'il y ait une relation monétisable, faut qu'il y ait une relation. Ouais. Et puis il faut qu'elle soit du côté du public, mais également du côté de l'artiste, quoi. Maintenant, ouais, il faut aussi être franc. Est-ce que cette demande, elle existe au niveau du public? Ou est-ce qu'on la crée? Je pose la question parce que pour rester dans la promesse de l'intime, on a eu le cas de la télé-réalité. C'est un type de programme que personne ne demandait, qu'on a légitimé en disant « Vous voyez, les gens le regardent, c'est donc la preuve qu'ils le réclament. » Parce que moralement, personne ne voulait assumer le fait qu'en proposant n'importe quoi, on tire le niveau vers le bas. Est-ce qu'on se retrouve pas un petit peu dans cette même problématique avec le direct to fan? Complètement. On se retrouve complètement dans cette problématique. Je te dis, je pense encore une fois que le direct to fan est vraiment important et intéressant à mettre en marche dès lors que tu as vraiment réfléchi sur qu'est-ce que tu proposes et à qui tu t'adresses. Si effectivement tu prends le direct to fan super basiquement, en me disant super, je vais me mettre en avant, je sais pas, donc tu me parlais de l'artiste qui joue pour 5 euros en tête à tête, super, mais quel travail il a fait en amont? Si personne ne le connaît, pourquoi est-ce que les gens iraient payer pour sa musique? Est-ce qu'au final, c'est pas se vendre pour rien? C'est ce que c'est pas là. Il y a une vraie perte de valeur, je trouve, lorsque tu arrives dans le direct to fan de manière super basique, sans avoir réfléchi réellement en amont sur quelle valeur ajoutée tu apportes à ton public et pourquoi ton public en payant accède vraiment à cette valeur. Mais pour le coup, Freeze, il est dans la même position en fait. Bon, il vend sa voiture, il vend des habits dans son armoire. Et comment tu peux réfléchir à ça? C'est-à-dire qu'il l'a décidé dans le sens où c'était son deuxième album, il avait déjà du public. Il savait vers qui il allait aller. Quand tu regardes en fait toute la jeunesse de son histoire, il avait énormément travaillé en amont, en envoyant des tas de presse-kits, en tournant, en filant ses albums gratos, en allant faire même du street marketing à la main dans la rue. Donc il avait vraiment énormément travaillé en amont pour mettre en avant en fait cette offre-là. François Ville, justement, moi je le connais, Caroline le connaît très très bien. C'est quelqu'un qui justement a fait beaucoup de choses en amont, qui travaille vraiment le web au corps, on va dire, et puis qui a été produit sur des sites de production participative. Donc, c'est quelqu'un qui a un background, quoi. Là aussi, c'est réfléchi, finalement. Si je fais mon Zemmour, oui, ce que tu viens de dire, c'est deux choses. C'est pour bien réussir du street marketing, il faut avoir fait sa pub beaucoup avant. Ah non, et après, pour que Direct to Fan fonctionne très bien, il faut avoir beaucoup de fans. Il faut passer à la télé. On n'a pas de valeur. Enfin, il faut être précieux. C'est pas du tout ce que je dis. C'est que, je pense qu'un artiste qui va avoir ses fans, c'est pas une pute. C'est que c'est le boulot d'un artiste. Le boulot d'un artiste, c'est d'aller parler à ses fans. Ah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Non, mais attends, si je réponds à Fred qui dit que pour faire du street marketing, il faut être une pute. Donc voilà. Du direct to fan. Oui, mais enfin, on n'est pas obligé de dire que le boulot d'un artiste, c'est d'aller voir ses fans. Parce non, que là, Mais oui, mais le direct to fan, c'est aussi ça, c'est aller parler à ses fans. Qu'est-ce que c'est d'autre que le direct to fan que d'aller parler à ses fans? Parce que le problème, c'est qu'on, dans cette relation complètement fantasmée artiste-fan, on perd de vue que c'est pas une relation à deux, c'est une relation à trois. Elle est où la relation à trois? La relation à trois, c'est qu'en fait, on a le fan a une relation à l'œuvre et voit l'artiste à travers le prisme de l'œuvre, en fait. Alors, ça dépend. T'as plein de relations d'artistes à travers le prisme de l'œuvre. T'as aussi des publics qui ont envie d'avoir accès à l'artiste. Il n'y a pas un direct to fan unique, basique. C'est plein de direct to fan. Le direct to fan, c'est chaque artiste pour chaque public. Et je te dirais, parce que tu me parles d'œuvre, à travers le prisme de chaque œuvre. Oui, quand Frédéric dit l'artiste fait sa pute. Ouais, mais si l'artiste a envie de le faire. Ah, mais il fait ce qu'il veut. Oui, non, mais. C'est tout. Faut pas être... Moi, le seul truc qui m'énerve terriblement, c'est quand les maisons de disques donc, s'emparent de ce concept pour en faire le nouveau mot et le nouveau buzz à la mode et obligent en fait les artistes qui n'ont pas forcément envie à le faire. Ça, c'est profondément gênant parce que c'est quand même le choix de l'artiste d'aller parler ou pas à son public. Pour moi, c'est super important qu'ils le fassent, et pour moi ça fait partie du job en fait quand t'es artiste, mais c'est encore une fois ma vision des choses. Pour prendre l'exemple de la télé-réalité, si M6 n'était pas allé sur ces concepts de Big Brother, on n'aurait pas eu TF1 derrière, quoi. Donc finalement, oui, on a tous. Il n'existe pas que depuis maintenant, il existe depuis tellement longtemps que c'est quelque chose qui existera encore tellement. Oui, mais parce que c'est une très grande étiquette, en fait, c'est un grand tiroir dans lequel on met beaucoup de choses, donc c'est pour ça. Le Direct to Fan existe depuis très longtemps, mais l'appellation Direct to Fan, elle existe depuis. Mais tu l'appelles comment ? Depuis pas longtemps. Et, on peut réfléchir à une autre conception, une autre appellation. C'est le fait que l'artiste a une communauté de fans qui est plus ou moins importante, plus ou moins impliquée. Il génère une valeur symbolique plus ou moins forte qui fait qu'on a envie d'acheter, on a envie de le toucher, on a envie de le voir. C'est les fans clubs de Johnny dans les années 60 ou pas ? Ou pas, parce qu'il y a des artistes où on n'en a rien à foutre de les toucher. Il y a des gens. Ça existe depuis super longtemps, puis d'un seul coup, avec Internet, c'est devenu comme la recette miracle, quoi. D2F, R2B, Reason to Buy, Direct to Fan. Mais c'est comme le Connect with Fan et le Reason to Buy. En fait, le truc. C'est juste un principe marketing. Alors là, je t'avais dit tout à l'heure pour le Direct to Fan, ça existait depuis que la musique existe. Mais le Connect with Fan, ça existe depuis que les ventes existent. On remplace Connect with Fan par Connect with Client. C'est juste, en fait, connaître tes clients. C'est des principes super basiques qui ont été reformatés à la sauce Tech Dirt 2.0, qui sont plutôt intelligents, parce que c'est juste simple. C'est oui, il faut connaître ton public, il faut savoir à qui tu t'adresses, il faut avoir une proposition de valeur qui donne envie aux gens d'acheter, et puis voilà, t'achètes, mais tu peux l'appliquer à la vente de fringues, comme tu vois, c'est pas un truc super nouveau. Hein. Et t'avais un gars qui faisait ça très bien avant qu'il disparaisse, c'est le disquaire. Le disquaire, il connaissait son public, il savait quoi proposer, il apportait des choses nouvelles, il arrivait à identifier son public et apporter des trucs nouveaux. Le disquaire a disparu, on va pas rentrer dans le débat de disparition du disquaire. C'est pas du tout le débat en plus. Hein. On est en train de revenir, donc on est en train de retrouver ce comment je vais trouver mon public, quoi. C'est quoi le truc qui va faire le lien? C'est ça, ouais. Et est-ce que le direct to fan, c'est pas un peu un mot magique sur un travail qui est plus en amont, qui est un travail de recommandation, certainement, oui. Aussi, ce travail en amont sur qui tu es, comment tu parles, à qui tu t'adresses, hein, quelle est ta cible, quel est leur lifestyle, ce qui est plutôt facile à trouver maintenant avec les technos. Le lifestyle, c'est super important, c'est quel autre artiste il écoute, est-ce qu'il achète des titres, est-ce qu'il achète des disques, à quel concert il va. Et c'est vraiment à partir de ça que tu peux réussir à bâtir une stratégie qui est connaître tes fans. Donc c'est des moches concepts, et si vous voulez, c'est des moches expressions, et si vous voulez, moi je suis entièrement prête à ce qu'on fasse un think tank brainstorm sur changeant le mot direct et tout fan. Mais en fait, c'est juste repartir à la base de la connaissance de ton public et à qui tu t'adresses. À un moment donné, moi j'ai l'impression que dans tout le discours qui est développé autour du direct to fan, je vois personnellement surtout une très grande méconnaissance des métiers de la création, en fait. Parce que d'une manière générale, personne va pouvoir sur la longueur faire une chanson par jour ou une chanson par semaine. Mais personne te dit de faire une chanson par jour. On nous donne souvent l'exemple. Je suis d'accord, mais après, encore une fois, t'en as qui le font et ils l'ont fait et ça a marché. Voilà, oui, mais parce qu'on est dans le one shot et dans rien d'autre que du one shot. Il y a une personne qui a décidé un jour de faire une chanson par semaine parce qu'il s'emmerdait, parce qu'il a décidé de le faire. C'est un exemple. Ça a marché parce que c'est un concept différent. Il a fait quelque chose de différent. Il n'avait pas de label, il n'avait personne. Il a réussi à fédérer des fans autour de lui. Et c'est juste marrant de voir ce qu'il a fait. Mais si des gens ne veulent pas le faire et veulent simplement en fait mettre leur titre de temps en temps sur Internet, poster des photos, interagir avec leurs fans, répondre aux questions, lancer des jeux concours, ils peuvent se contenter de faire que ça aussi. Et ça marche aussi très bien. Je suis pas d'accord. Mais le point, c'est que à partir du moment où on fait du direct to fan sur Internet, donc on crée, l'artiste, il n'est plus créateur de contenu, il est une personne qui fait une œuvre, il devient un média à part entière. Ouais. À partir du moment où on a un média à part entière, on doit fonctionner comme un média, et fonctionner comme un média, c'est une régularité dans la production de contenu et tout ça. Et bah du coup, on va en temps, enfin il y a un changement de métier, et est-ce que quelqu'un comme Bidibul qui fait du direct to fan depuis qu'il est né, son premier album qui est sorti il y a je sais pas combien d'années, il a fait tous les trucs, les one shot, le clip participatif, il a fait du direct to fan à gogo. Cela dit, je suis pas forcément un exemple non plus. Est-ce que être un artiste, c'est uniquement faire de la musique? Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste? Est-ce qu'il y a vraiment une définition unique de l'artiste, qui est l'artiste ne doit faire que de la musique et ne doit absolument pas parler avec ses fans. S'il y a des artistes qui veulent parler avec ses fans, ils peuvent. S'il y a des artistes qui veulent faire leur pute, ils peuvent. S'il y a des artistes qui veulent coucher avec leurs fans online, je veux dire online. Ou offline, hein, je veux dire. C'est toi qui m'as perturbée, tu vois, je suis très perturbée. Mais il faut. Je pense qu'il faut absolument pas du tout enfermer les artistes dans un artiste, ça ne fait que de la musique et basta, et après il rentre chez lui et il discute pas avec ses fans. S'il y a des artistes qui veulent discuter en direct avec leurs fans, mais qu'ils le fassent, tant mieux. Et encore une fois, pour moi, le job d'un artiste, enfin, le job, c'est un petit peu dur, mais je pense que si un artiste s'expose sur Internet, décide de s'exposer sur Internet, décide de faire un site, décide de mettre ses chansons, décide de répondre aux commentaires, c'est pas plus mal. Entre parler à ses fans et être un média, il y a un gap, et c'est deux choses qui sont différentes. Mais c'est toi qui a dit que l'artiste est un média. Moi, j'ai jamais dit que l'artiste est un média. Ah bah, s'il publie une chanson tous les jours, il devient un petit peu un média. Mais encore une fois, qui a dit qu'un artiste devait publier une chanson tous les jours? Mais c'est un exemple. Mais c'est un exemple, voilà. Je ne le cautionne pas moi non plus, attention. C'est un exemple parmi les milliards d'exemples qui existent sur comment gérer en fait sa relation avec ses fans. Bah, oui, cela dit, on va quand même vers la désacralisation et je suis pas sûr qu'il y ait fatalement un public pour ça aussi. Caroline, t'as quelque chose à rajouter ? La question que je me pose déjà, c'est un artiste, à partir de quoi il peut savoir, enfin, comment il sait que la personne avec qui il est en relation déjà est un vrai fan ? Parce qu'il y a la notion de fan, il y a la notion de vrai fan. Et au niveau des réseaux sociaux, par exemple, c'est pas parce que il a, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais il a 100 followers sur Twitter et puis autant sur Facebook, voire plus, que ces 100 personnes-là vont acheter son album. Je suis d'accord. Et aussi, moi j'ai lu un article quelque part qui disait que sur Twitter. Le pourcentage de consommateurs, c'est-à-dire c'est 2,8% qui va être consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment acheter l'album de l'artiste en question. Donc pour quelqu'un qui a de la notoriété et qui va avoir, je sais pas moi, 1 million de followers, il n'y a pas de problème, le 2,8% est intéressant, mais pour quelqu'un qui va avoir 100 followers, là ça va être dur pour lui. Donc et ça lui fait déjà, le même travail, hein. c'est quoi le vrai fan, c'est quoi, et puis est-ce que pour deux followers l'artiste il va avoir envie de faire tout ce travail là de direct to fan, parce que au résultat il va vendre deux albums sur son travail sur le travail qu'il va faire de communication, etc. Et oui. Alors déjà, petite question. Comment faisait un artiste dans les années 70, 80, 90, 2000 avant Internet ? Ah ben moi, je vais te dire. Dans les années 70, il partait avec sa guitare faire le tour des maisons de disques. Dans les années 80, il partait avec sa démo. Oui, mais il allait faire sa promo. Il allait déjà faire sa Mais promo. Sa promo vers les professionnels. Le fait qu'un artiste puisse accéder directement au public, finalement, c'est relativement nouveau. Avant, il y avait que la scène. Et ben, est-ce que c'est pas plus mal maintenant que les artistes puissent, grâce à Internet, vraiment tous s'exprimer vers un grand public, que ce public-là le reçoive ou ne le reçoive pas, potentiel. Soit fan ou pas fan. Ça, déjà, c'est pas plus mal. Enfin, que la techno permette à... Bon, alors après, on dit que sur Internet, il y a environ 10 millions d'artistes. Après, il faut faire un tri parmi ces 10 millions d'artistes. Si je prends l'exemple de MySpace, par exemple, sur MySpace, il y avait à peu près 6 millions de personnes qui avaient créé un site MySpace Music. Donc, évidemment, il y a un énorme tri à faire à ce niveau-là. Mais déjà, bon, ça permet à quelques millions de personnes, quelques centaines de milliers de personnes, de s'exprimer. Donc, c'est pas plus mal. Après, alors, sur la question du fan, il y avait un article de Colline qui était vraiment très intéressant, justement, qui essayait de définir le fan. C'est un article qui avait été publié... Il y avait Tech Dirt, et puis il faudrait que je retrouve la source exacte. Ça avait été republié par Tech Dirt. Et en fait, Colline définissait les fans, la catégorie des fans, en trois catégories. Grosso modo, on sait que il y a les true fans. Les true fans, ça constitue à peu près 5% du public à peine. Tu remarqueras que moi, j'ai utilisé le mot vrai fan. Hein. Voilà, ouais. les true fans, c'est les fans de Marc Dorcel. Hein. Malheureusement, si tu veux, n'ayant malheureusement comme bouquins et journaux et articles sur le marketing musical que les Américains, donc à force, je deviens pas bien. Donc, les vrais fans, voilà. Les vrais fans, c'est à peu près 5%, et c'est vrai que c'est un taux de 5% qu'on retrouve également dans d'autres industries. Les vrais fans, c'est à peu près... c'est vraiment les gens qui sont complètement... fans de l'artiste qui vont le suivre, qui vont effectivement devenir amis sur les réseaux sociaux, qui vont lui poser des questions, qui vont aller le suivre sur des tournées, qui vont acheter des places de concert, qui vont acheter ce qu'il va vendre à 120, 130 euros. Je pense à Mylène Farmer, par exemple, lorsqu'elle a sorti son dernier album. Elle est sortie avec une espèce de statue en merch à 150 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de vrai fan, 5% du public à peu près. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les régulars. Alors je ne sais pas comment on va les appeler, les réguliers. donc voilà. Merci, merci, c'est pour moi ça. Non mais tu fais des efforts. Hein. Merci. Donc les réguliers, en fait... c'est à peu près allez, 10-15% de ton public. Donc c'est des gens qui t'écoutent, qui sont devenus amis avec toi sur les réseaux sociaux, qui t'ont entendu à la radio, qui ont craqué sur le titre, qui ont peut-être été le voir, qui peuvent avoir un achat, ce qu'on appelle les achats spontanés, qui sont les achats les plus importants en fait. C'est quand tu arrives sur iTunes pour 99 cents, t'as le titre qui te plaît, tu vas l'acheter tout de suite, ou t'arrives sur le site de l'artiste, tu sais, acheter le bouton acheter ce titre. Donc voilà, c'est à peu près 10-12% d'après ce qu'on a étudié. Et c'est aussi c'est des gens que tu peux à peu près transformer. Et puis tout le reste, les 80% de ton public, c'est des gens qu'on appelle les mainstream. Alors on va les appeler le grand public. Ça va ? Le grand public ? Ouais, c'est pas mal. Voilà, et le grand public, c'est à peu près 80-85%. Donc c'est des gens qui t'ont entendu à la radio mais qui savent pas franchement quitter, comme toi tu peux entendre quelque chose à la radio qui te plaît mais tu sais pas quitter, t'es pas plus intéressé, qui vont peut-être aller te pirater parce qu'ils ont entendu le truc, ça leur plaît mais qui ont pas forcément envie d'acheter, qui vont certainement pas sur ton site web. Quand tu reçois un mail, est-ce que c'est définitivement un fan? Pas forcément. Que l'artiste reçoit un mail un artiste reçoit un mail. Non, c'est pas forcément un fan. C'est pas quelqu'un qui est intéressé. Un fan, c'est dans la fidélisation sur le temps qu'on voit que c'est un fan. C'est sur la conversion. Ouais. Moi, je peux envoyer plein d'emails à des gens qui m'intéressent en leur disant il est vachement bien votre album. Ah, quand même. Hein. L'acquisition. Je le dis pas souvent. Mais l'acquisition, c'est super facile. C'est le truc le plus facile à acquérir. Le moins facile, c'est de fidéliser. Et c'est là où il y a un vrai boulot à faire. Mais c'est là que tu disais dans tes billets que j'ai lu justement où tu disais il faut fidéliser et puis il faut leur donner une raison d'acheter. Ouais. Mais le problème, c'est fidéliser, je sais pas moi, les ceux qui ont de la notoriété, comme je disais tout à l'heure, c'est ils ont plein de fans. Ceux qui ont très peu de vrais fans, et alors ben c'est un gros travail pour pas grand chose. Et bah, qui dit que c'est pas grand chose? Qui dit qu'il y a des gens qui ont envie de devenir des rockstars? Qui dit qu'il y a des gens qui ont envie d'être signés dans une maison de disques? Je t'assure que je travaille avec un paquet d'artistes. Hein. Et ce paquet d'artistes, il y en a beaucoup parmi eux qui sont super contents de la manière dont ils tournent, qui ont des jobs à côté. Là, en ce moment, je travaille avec un groupe qui est plutôt un groupe rock, indé, punk, qui ont des jobs à côté. Et eux, leur seul objectif, en fait, c'est d'arriver à convaincre les gens qui les suivent. Donc, appelons ça fan, parce que c'est aussi un mot que j'aime pas, il faut qu'on arrive à trouver un autre mot. C'est affreux, je trouve le mot fan. Mais juste les convaincre, en fait, d'acheter leur album en préco pour leur permettre de finir de payer la prod. Voilà, ils ont peut-être, je sais pas. Ça s'appelle une subscription en fait. C'est fou parce que là, j'ai l'impression d'entendre un peu le monde merveilleux. Non, non, non. Je te cite des exemples autour de moi. Hein. Ouais, mais des exemples, on en a plein, mais il y a deux choses qui m'inquiètent un peu dans le direct tout fan. Ça a coupé. Non, ça a pas coupé. Donc je disais, on envoie notre Eric Zemmour, c'est parti, il attaque. Il y a deux choses qui m'inquiètent dans ce côté direct to fan, c'est qu'on a des exemples de. Ça fait toujours pareil avec dès qu'il y a un nouvel outil qui apparaît avec Internet, c'est des gens qui vont être opportunistes, qui vont créer un truc qui est nouveau et ça a marché parce que c'est nouveau. Mais quand tu reviens derrière, c'est plus nouveau et il n'y a plus l'effet de surprise. Donc déjà, donc il n'y a pas l'effet d'aubaine qui fait que ça marche. On est sur un flow où il y a plein d'artistes et le public est en train de passer d'une écoute plus ou moins passive qu'il avait quand il était à la radio à tiens quand ça me plaît je fais l'effort de faire la démarche d'aller au concert d'acheter le disque à une culture du next. C'est très bien. Il y a un truc qui me plaît pas, je zappe. Et ça c'est pas direct to fan. C'est pas direct to fan, mais on est dans un monde où on zappe de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Et on va prêcher, on va agiter le drapeau, on va fidéliser, alors que rien que le fait de se faire écouter en entier, ça devient de plus en plus dur. Et on va se battre pour fidéliser. Avant de fidéliser, il y a déjà la première étape, c'est de se faire écouter. Et ça, c'est pas un travail de direct to fan. Direct to fan, à mon avis, il arrive que quand on a déjà un gros travail de promo qui est fait en amont, quand on a déjà une audience. Parce que faire du direct to fan sans audience, Ça veut dire quoi? Mais déjà, de toute façon, c'est évident qu'il y a un énorme problème de zapping, il y a un énorme problème de manque de recommandations. C'est malheureusement pas un mystère, et c'est pas Direct to Fun qui va régler ce problème-là. Moi, ce que je dis très très souvent, c'est que la musique sur Internet, c'est devenu super darwinien. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus fort qui s'en sort, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est vraiment le mec qui va réussir à émerger déjà de tout ça, et qui va réussir à tenir, et c'est la seule... Pour l'instant, en tout cas, c'est effectivement très compliqué, et de toute façon, ça va devenir encore plus compliqué, parce que l'Internet, ça va pas s'arrêter, qu'il va y avoir de plus en plus d'outils, de plus en plus d'artistes, de plus en plus de gens qui vont vouloir s'en servir pour devenir des stars ou pas, et on va encore avoir de plus en plus de contenu. C'est peut-être pas la meilleure solution, c'est une alternative parmi d'autres, si on en trouve d'autres. Mais moi, je préfère me positionner en fait sur cette alternative-là, qu'effectivement, il faut effectivement acquérir de toute façon du public pour faire écouter sa musique, pour faire écouter ses contenus. Il faut bien commencer quelque part. Pour faire écouter sa musique et faire écouter ses contenus, il faut se faire un site. Si on peut pas se faire un site, il faut avoir un MySpace, et puis après, il faut aller chercher des gens. Mais Direct to Fun ou pas Direct to Fun, il faut bien commencer quelque part. Alors, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais le problème, c'est que c'est pas en restant chez toi dans ta chambre, en faisant ta musique. Enfin, ça dépend. Après, il y a des gens qui se débrouillent très très bien chez eux dans leur chambre et qui n'ont pas du tout envie de s'exposer. Mais il y a bien un moment, il faut commencer quelque part. Et commencer quelque part, c'est de toute façon, soit aller sur Internet, soit envoyer tes maquettes aux maisons de disques. Si tu vas sur Internet, effectivement, tu n'auras personne au départ. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Et puis travailler, puis c'est du boulot, c'est effectivement beaucoup de boulot, mais quelle autre alternative il y a en ce moment? Est-ce que le Direct to Fan peut se passer des réseaux sociaux ou des artistes, encore mieux. qu'est-ce qu'on va proposer vu que le Direct to Fan, en tout cas moi je l'utilise et je le trouve intéressant pour valoriser la musique et pour faire écouter un artiste et sa musique. Si on se passe des artistes, je vois pas bien comment est-ce que je pourrais valoriser et mettre en avant un artiste et sa musique. Maintenant, est-ce que le Direct to Fan peut se passer des réseaux sociaux? Non, tout simplement parce que c'est là où les gens sont. C'est juste après un problème juste de public et de nombre de personnes qui sont là. Après, réseaux sociaux, attention. Alors, si tu penses aux très gros réseaux sociaux, je pense à MySpace, Facebook, blabla, c'est important d'y être. Mais après, plus important, encore une fois, c'est connaître ton public et c'est aller travailler la niche. Et tout dépend de ton style musical. Tu as des réseaux sociaux qui sont beaucoup, beaucoup moins connus que les réseaux sociaux actuels, mais qui sont des réseaux sociaux de niche ou qui sont des sites de niche, des forums de niche. Je pensais au petit groupe de rock punk avec lequel je travaille. Eux, ils sont vraiment sur des sites très spé et qui s'adressent principalement à des fans de ce style de musique-là. Tu as bien connu les années 90, je suis sûr que tu as dansé sur Hadaway What Is Love. Ouais. Et c'est justement dans ces années 90... Oh mon Dieu, oui. Ouais, c'est justement dans ces années 90 qu'est né ce désamour entre le public et l'industrie musicale. Toi, tu le mettrais dans les années 90. Moi, j'étais tellement accro à la musique, je pense que je l'ai senti un petit peu plus tard. Bah, disons que moi, j'ai vraiment eu... J'ai plutôt 96-97 que début 90. Bon, On va dire 90s, on va être sympa. Donc, on accusait quand même facilement les professionnels de ne faire plus que du marketing. D'ailleurs, c'est à cette période que les DA ont été remplacés par des chefs de projet. Et est-ce que tu trouves pas qu'au fond c'est un peu paradoxal aujourd'hui en 2010, on a eu Boré qui nous l'a fait en 2006 également, de dire le marketing peut sauver l'industrie musicale, alors que quelque part c'est un petit peu le marketing qui l'a plombé aussi et qui est la raison de ce désamour entre le public et les professionnels, voire même les artistes. Le marketing, alors ça dépend comment tu vois. Moi, je vois le marketing juste pour moi, le marketing ne rentre pas du tout dans l'artistique. C'est-à-dire que jamais je me permettrai, moi, marketeuse, de rentrer dans le travail de l'artiste. Alors ça peut être un très très moche mot, mais pour moi c'est juste aider un artiste à émerger. Ensuite, tu as effectivement le marketing qui a été fait dans les années 90, on va dire 90-2000, où c'était du marketing one shot, où en fait on travaillait un titre uniquement par rapport à ce qu'on pensait que le public attendait. Donc là c'est très différent parce que le marketing en fait était intégré directement dans l'artistique. C'est comme ça que je le vois, donc c'est très différent. Or moi, j'utilise le marketing, et je vois, en tout cas, c'est peut-être complètement naïf, et comme va me dire Fred, le monde des bisounours, mais moi, en tout cas, tel que je le pratique et tel que je vois, alors je suis peut-être super naïve, tel que j'essaie en tout cas de le pratiquer, je m'intègre après l'artiste, et mon job, c'est juste d'aider l'artiste à faire connaître sa musique, et c'est tout, et je vais pas dicter à un artiste sur comment se présenter en télé, en radio, ou qu'est-ce qu'il doit dire sur Internet ou qu'est-ce qu'il ne doit pas dire sur Internet. Ok, voilà. Frédéric. Alors, attention. C'est totalement bisounours. Voilà. Le marketing, il a plus ou moins déformé le marché. Il a créé un marché où c'était vachement plus intéressant de mettre beaucoup de milliers de francs puis d'euros dans un projet ultra marketé parce qu'on gagnait plus en vendant une référence à gros volume plutôt que de vendre plein de volumes moyens de plein de références. Oui, c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est super marrant de voir tous les autoproduits, les indépendants qui viennent voir moi, qui viennent souvent voir toi, Virginie, et qui disent comment on fait du web marketing, quoi. C'était le truc, vous crachez dessus il y a 15 ans, il y a 20 ans, et puis maintenant vous ne jurez que par ça. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là? Et ben, vous savez quoi, je suis complètement d'accord avec lui. Ben oui, mais c'est normal. C'est normal. Enfin, à un moment donné, c'est le marketing à la portée de tous. Chacun mais devient sa petite maison de disque, en fait. Mais oui, enfin moi, je deviens super radicale et de plus en plus radicale. Nous trouvons aussi que tu te radicalises dangereusement, Virginie. Et en fait, je deviens vraiment tellement radicale que je retire maintenant, j'en suis vraiment artilée. Lorsque par le plus grand des hasards, je travaille avec un artiste qui est signé dans une maison de disque, a demandé en fait à retirer complètement l'utilisation du marketing et de la promo par la maison de disque. Pour qu'on puisse nous le gérer nous-mêmes tel qu'on veut le gérer et comment on veut le gérer. Parce que je suis pas persuadée que les maisons de disques savent travailler le marketing, parce que c'est encore un moche mot ça. Et puis en plus, c'est chaque fois que j'ai des discussions avec eux, effectivement, on en revient encore et toujours à ce marketing des années 90 qui existe encore en 2010, qui est tout le temps. Et j'avais une réunion cet après, mais c'est ce que me dit le patron du label. Ouais, mais si on n'a pas un break en radio, ça sert à rien. Mais je pense que c'est pas faux hein, entre nous. Hein, ça dépend de quel projet. Il y a des projets que tu peux travailler en amont, vraiment en amont, qui n'ont pas besoin immédiatement d'un break en radio, et le break en radio peut arriver après. T'as des projets super pop, variété, mainstream, ouais, effectivement, c'est très difficile à travailler sur le web, parce que ça nécessite vraiment d'aller toucher un très large public et pas forcément un public qu'on peut toucher facilement via le web. Donc oui, là, t'as besoin d'un break en radio, et là, c'est pas mon travail, et puis ça m'intéresse pas forcément en plus. Mais t'as des projets que tu peux vraiment, vraiment travailler en amont, et quand Fred cite par exemple les CD1D citez plutôt les indés que CD1D, ouais, les autoproduits, ouais, voilà. CD1D, ils font un super job vraiment en amont, et tu peux aussi réussir à travailler comme ça. Enfin, tout dépend encore de ton PNL. Moi, le patron de cette maison de disques aujourd'hui me disait, ouais, mais tu comprends, toi, t'es sur un projet à 20-30 000. Nous, 20-30 000, ça nous intéresse pas. Si on fait pas 120 000, on vient l'artiste. Voilà. C'est un mec qui est quand même signé en contrat d'artiste dans une grosse major. Donc ça, c'est le marketing tel qu'il est vu aujourd'hui dans un gros label d'une grosse major qui commence par un U. Voilà. On voit pas du tout de qui tu parles. On connaît personne là-bas. Non, je peux pas dire parce que c'est un peu tendu entre nous en ce moment. Alors bon, tu vois. Oui, parce que les majors, tu les remues un petit peu quand même. Hein. Oui, mais c'est extrêmement bien parce que quand t'as une vraie réputation de casse-couille, en fait, ils t'écoutent. Donc c'est pas mal. Oui. Ouais, tu connais ça, Claude, je crois bien. Hein. Moi, c'est pas non. Mal. Pas du tout. Alors, Virginie, je pense que tu dois être bien harponnée par plein de gens qui veulent faire du direct. Harponnée. C'est des tendances. T'as pas peur qu'on ait une surabondance d'artistes qui viennent demander des adresses mail et qu'on veuille absolument aborder le public comme deviens mon fan, et qu'on ait un côté parasite autour de ça. Spammer. Bah, j'ai pas peur, je le vois, hein. Mais c'est un petit peu comme à la grande époque de MySpace, parce que le moindre commentaire, en fait, c'était un espèce de spam sur va écouter mon site, hein, enfin va écouter mon titre. En fait, t'avais absolument aucune réaction. Si, bien sûr, de toute façon, comme on parle de plus en plus du direct to fan, c'est évident qu'il y a des gens qui vont s'en emparer, qui vont mal le gérer. Donc, est-ce que c'est pas vraiment une peur? Je me dis d'un autre côté, alors, encore une fois, je me considère pas comme prêtresse, mais vraiment, mon objectif et mon monde de bisounours à moi, c'est d'essayer d'expliquer un maximum aux artistes et à leur entourage tout ce qui existe et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer d'émerger à l'intérieur. S'ils doivent envoyer trop d'adresses email, au bout d'un moment, ils vont avoir absolument aucun retour, aucune réaction, les gens vont les jeter. Et puis ils vont peut-être comprendre qu'il ne faut pas envoyer autant d'adresses email, mais c'est un petit peu tout rien. C'est-à-dire que il faut quand même éduquer les gens et leur expliquer ce qui se passe et essayer de les accompagner au mieux. Après, s'ils commencent à y aller, c'est bien. faut se dire qu'ils essaient de faire des choses. S'ils en font trop et mal, bah, ils n'auront pas de retour, ils n'auront pas de résultats, et ils vont avoir des portes qui vont fermer. Et le public qui se lasse de recevoir... Et le public va se lasser aussi, et dans ce cas-là, on réfléchira à un autre concept de public-to-fan marketing, si tu veux. Mais c'est un risque, mais encore une fois, on est dans un tel... il y a tellement millions de contenus, on est dans une telle économie où effectivement le public zappe, il n'écoute pas, il est déjà lassé très rapidement... que je préfère prendre ce risque et faire en sorte que les gens essaient de se mettre en avant plutôt que de rien faire dans l'économie d'obscurité, je ne sais plus qui disait ça, dans laquelle on est maintenant. Maintenant, je suis très consciente que ça peut donner n'importe quoi, mais il vaut mieux qu'on tente de faire quelque chose. Bien, merci Virginie. C'était donc le mot de la fin de ce débat sur le Direct to Fan. Nous avons tous appris, il me semble, beaucoup de choses ce soir. On va terminer par un petit peu d'autopromo. Où est-ce qu'on peut te lire sur Internet ? On peut me lire sur twitter.com/virberg, V-I-R-B-E-R-G. On peut me lire sur digitalmusic.tumblr.com. Et depuis peu, je suis maintenant auteur pour le Music Think Tank. Music Think Tank, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, .com. Donc est un site américain qui essaie également d'aider les artistes à son petit niveau. On reste de ce côté de l'Atlantique, Caroline. Zikenblog.com, et puis on peut me suivre aussi sur Twitter avec le pseudo Sincever, S-I-N-C-E-V-E-R. Voilà, les filles sont douées pour les pseudos. Frédéric. Divamusica.blogspot.com et weirdmusic.com surtout. Après, il y a d'autres trucs pour les gens qui aiment la chorale et les classiques si vous voulez. Ah bon? Ça existe. Cœur et chorale et baronclassique.com. Et sinon, vous me trouvez sous le nom de Viva Musica. D'accord, voilà. Quant à moi, on se retrouve sur bidibule.fr et wearemusic.com. Je vous souhaite deux bonnes semaines et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. À bientôt.